une tant de printemps et la joie des enfants encore libres. Il me semble aussi que nous avons goûté de merveilleux étés, oui nous avons été. Quand l'ombre rouge de l'automne a embrassé nos épaules étonnées, nous avons refusé et nous avons lutté. À l'hiver.